On va parler de patinage de vitesse sur contre-piste. On parle avec, on a parlé avec Maud Tremblay hier. Là, on va parler avec Catherine Mailloux de Saint-Félicien qui a réussi quand même un bon temps, 15, au 15e rang. On me dit que si ça n'aurait pas été de sa chute, elle aurait pu monter au 5e ou 6e rang. On lui parle, salut Catherine. Bonjour. Catherine, j'étais pas au centre Georges Vézina. Par contre, David Simard j'ai eu une entretien avec David Simard qui collabore avec moi lors de ses courses. Et il me disait juste exactement la même affaire. Donc, est-ce que c'est vrai? Oui. Oui? Comment ça s'est passé, cette chute-là? J'ai écouté l'entrevue avec David et je crois qu'il a mentionné 500 mètres, mais en fait, c'est au 1000 mètres que la chute s'est passée. J'ai tombé aussi au 1500 mètres. J'ai été avancée parce que dans une petite A4, j'ai tombé dans une petite A4, mais ça, il n'y a pas eu de répercussion à part un problème de coup, une sorte de colis après. Mais ça a bien été après. Mais c'est au 1000 mètres, en fait. On était rendu en quart de finale. Il y a une fille qui a commencé de me dépasser à l'entrée du virage. C'était serré, ça n'allait pas passer. J'étais déséquilibrée. J'ai tombé en fin de virage. Okay. La fille a été disqualifiée, mais j'ai malheureusement pas été avancée. Donc c'est un peu malheureux, mais j'ai réussi mon objectif quand même. Ben oui. Donc là, donc j'imagine que tu es content. Oui, ok. Donc, on dit que tu as chuté. Ton objectif, c'était vraiment les essais nationaux. Je me rappelle, Catherine, ça fait longtemps que je te suis. Tu m'avais dit 2018, je veux être en Corée du Sud. On va peut-être mettre ça en 2022, par contre, là, mais le fait que tu vas patiner avec les Marianne, les Catherine, les Marianne, les Cassandra, ça s'approche, là. Oui, ben c'est ça. En me classant pour les seniors, dans le fond, Ouais. Ça m'ouvre cette porte-là là, de patiner contre eux, ouais. Ok. Comment tu vas y aller dans quel objectif? Pour le circuit senior? Oui, c'est ça. Je parlais avec Maud. Maud me disait, regarde, c'est de prendre l'expérience. C'est sûr que Maud a 2 ans de plus jeune que toi. Mais dans ton cas, est-ce que c'est quoi? Tu vas y aller rejoindre Rosalie Tremblay, c'est-tu quelque chose sur l'équipe B? C'est-tu quelque chose de réalisable? Ok. Parce que dans le fond, c'est ma première saison, mon premier hiver au circuit senior. Ça va beaucoup d'expérience, ça ne veut pas. Là. C'est des erreurs qu'on va faire, qu'on va apprendre de nos erreurs. C'est pas la même game là, contre des filles de l'équipe nationale que dans une qualification nationale. Donc, ça va être de prendre de l'expérience. Puis, je pense pas que ça va être possible pour cette année. En raison de mon entraînement, les objectifs de mon entraînement que je fais en ce moment. On est encore dans les objectifs techniques, tactiques, en course. Donc, l'endurance et la vitesse de pointe est pas encore à point. Travailler ça, on l'a un peu travaillé, parce qu'on est à Noël, on est presque rendu à Noël, donc on a un peu travaillé, mais... Ouais. Donc je sais que je peux travailler plus de ce côté-là. Je suis pas encore à point. Je suis pas encore à mon top shape, comme on dit. Mais peut-être que je sais pas. J'ai pas encore regardé les objectifs, mais c'est sûr que ça va être de continuer pareil sur le circuit senior à bien patiner en course et à être intelligente dans mes stratégies. Stratégies qui vont m'avantager. On sait que l'année passée, tu as recommencé à zéro. Donc, j'imagine que recommencer à zéro, ça, c'est toutes les stratégies et ainsi de suite. Puis, tu l'as dit un peu dans ta réponse. Ça a un lien aussi. Là. Oui, c'est sûr. Là, c'est sûr que ça m'aide beaucoup. Dans chacune de mes courses que je fais avec Annie, j'ai beaucoup appris à focusser sur les éléments qui vont m'aider à atteindre les objectifs que je veux atteindre, à pas focusser sur le résultat que je veux obtenir nécessairement. J'étais beaucoup comme ça avant, mais moment donné, ça marche plus, ça. Fait qu'il faut penser à d'autres choses. Fait que ce que je pense avant une course, c'est des objectifs qu'on a travaillé, tactiques, techniques, qu'on a travaillé, qui vont m'aider à atteindre l'objectif que j'attends. OK, OK. Parle-moi maintenant de les essais nationaux également. Est-ce que tu vas avoir un entraînement spécial? Est-ce que le fait que tu t'es qualifié pour ces essais-là, ça change un petit peu ta routine et tu vas avoir le droit à plus peut-être de temps au centre national et ainsi de suite? C'est plus la date de date, mais ça, que je vais revenir à Montréal plus tôt pour continuer mes entraînements comme je fais l'habitude, là, mes tactiques. C'est sûr que le fait qu'il me reste encore deux grosses compétitions après Noël, c'est sûr que je vais essayer de piquer, comme on dit, à ces deux compétitions-là pour vraiment être... atteindre l'endurance, un petit peu plus d'endurance, c'est travailler plus sur mon endurance, plus sur ma vitesse de pointe, que qui n'est pas parfaite encore à mon goût. Je sais que je peux faire mieux. Donc, ça va être, on va travailler, c'est sûr qu'on va travailler plus sur ça, les rapidités, les sprints. Mais c'est sûr qu'avant tout ça, il y a le championnat canadien junior. Ben oui, on va en parler de ça justement. Ça, championnat junior, ça c'est. Est-ce que c'est une qualification pour les championnats nationaux, si je ne m'abuse, les championnats mondiaux, c'est-à-dire? Oui, les championnats du monde, oui. OK, OK. Donc, comment que ça marche, hein? Ben, c'est ça. Dans le fond, pour le championnat canadien junior, c'est une sélection. C'est les quatre premières filles qui se qualifient pour aller au mondiaux junior. On est une trentaine de filles, dans le fond, les 30 premières juniors de la sélection qu'on vient d'effectuer. OK. 30 ou 32. Donc, c'est ça. C'est le même principe de compétition. C'est sûr que ça va être difficile pour cette année des mondiaux, en fait. Je vise un top 10 environ. OK, OK. Je pense que c'est réalisable, c'est faisable, c'est pas dans la poche. Je vais continuer à bien travailler en course et en entraînement pour me rendre jusque-là. Mais un top 10, ça serait dans mon objectif. Surtout là, c'est la fin de session en plus. Donc, l'école, c'est comme... Okay. C'est comme vraiment demandant. Donc, conseiller tout ça, je pense que tu as vu, c'est vraiment faisable. OK. Catherine, ça va être intéressant quand même de voir... dans le fond, là, tout ton virage a été très, très, très, très bénéfique. Hein. Très bénéfique. Extrêmement bénéfique. Ouais. Oh, et très, très, très positif. Depuis 18 mois, là, j'en tire juste du positif. C'est sûr qu'au début, ça a été plus difficile. De tout recommencer, de déraciner des mouvements que je faisais depuis 14 ans, là, quasiment. Donc, ça a été difficile au début, mais tu sais, j'ai rapidement vu les résultats, puis c'est pas fini. Je continue à travailler parce que on n'est jamais parfait, là. J'ai encore beaucoup, beaucoup de points à travailler. Je suis beaucoup plus efficace sur la glace, donc c'est ça, dans le fond, qui fait la différence quand je course majoritairement, là, à cause de ma technique. Ma technique est beaucoup plus efficace. Donc, c'est ça qui fait que j'ai des résultats, même si ma forme n'est pas à point quand même. OK, OK. Ben Catherine, on va te surveiller de très près. On s'en reparle à ton retour de Calgary. Merci beaucoup. Voilà, Catherine Mailloux de Saint-Philippe.